J'me le way, way, way, way, way. J'me le way, way, way, way, way. Quand je fly, way, way, way, way. J'me lance un peu dans la foi, way, way, way, way. J'ai fait confiance mais c'est trop lâche. J'peux finir seul comme un tolard. Moi au fond j'suis qu'un sonar. J'évite les BDH, les folards. Ça commence en bien d'ailleurs. Ça sera plus même un paillol. Et j'suis vite passé du stunt au Cayenne. J'veux voir la mer sous une paillotte. Tu sais que c'est plus pareil. Ça te fait mal. Tu sais que c'est plus pareil. Faut que je me taille. J'mets la manita, protège la plate. Millions de problèmes, millions de bâtards. C'est que c'est plus pareil, ouais c'est plus pareil. J'ai plus la force de te rendre l'appareil. Après on fait quoi? Éteins ton séchoir. Tu m'entends pas devant ton putain de miroir. Faudrait un miracle pour essuyer tes larmes. Fais-le, fais-le. Tu voulais me voir céder. Mais bon ça y est, recèle. Maintenant je les ai déclarés. Vive ma vie à fond. Fais gaffe ma dilace. Maudit pour la somme. Trop de vices dans la tête. J'ai pas de soucis dans ma tête. Des envies de faire le tour de la terre. J'tourne dans la ville et j'suis ma belle. Dans la chaleur de la nuit, dans les rues de Gotham, sans bruit je marche seul comme Jean-Jacques Goldman. J'ignore les conseils et les appels au calme. Je plane dans le ciel, je regarde le monde qui crame. En hélicoptère au-dessus des toits de la ville, je ris comme le Joker, évadé de l'asile. Rêve d'une vie prospère, rêve d'une vie facile. Mais ici c'est la vie d'Alocan. Vie d'amour et d'eau fraîche, de cachets d'armes à feu. Juste toi et moi, c'est la folie à deux. Comme Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Dieu bénisse nos kids et nos baby mama. Tout le monde veut sa part s'infiltrer. Faire le tour du monde, réaliser ses projets. J'ai passé mon temps à chercher l'issue. J'avoue que j'ai du mal à quitter le sud. On veut la belle vie, tout est possible quand tu prends ton fils. Donc faut prendre des risques dans la vie. La réussite se cache derrière la peur, mon ami. Le temps passe vite, faut s'endurcir. J'roule un stick pour oublier mes soucis. J'aimerais m'enfuir, tout détruire et reconstruire. Tous les soirs je taille. Elle veut ton amour ou ton PayPal. Mélanie ou Mégane, tes copines prient pour qu'on se sépare. J'fais l'enfer, j'avoue qu'elle t'es juste solololo. On est 15 dans le van, c'est la colololo. Cheveux longs, le croco sur le polololo. Les poules buzz, mon petit, elle te folololo. On veut les îles Maurice. J'veux pas finir Maurice. Devenir mon mais pour ça, ça fait longtemps que j'ai quitté le Banks. Te fais pas de pile, ce qu'il faut, on le fait. Ce qu'il faut savoir, t'inquiète pas, on le sait. S'il y a triple qui j'ta, on le sert. Ça fait longtemps que j'ai quitté le Banks. Te fais pas de pile, ce qu'il faut, on le fait. Ce qu'il faut savoir, t'inquiète pas, on le sait. S'il y a triple qui j'ta, on le sert. Y'en a très peu qui m'ont talonné. W le moteur n'est pas rodé. Le million, le putain de baromètre. La musique, une vérité malhonnête. Telles sont nos vies, partir d'ici, je t'ai promis. Sur nous je mise, pas de compromis. Le meilleur je vise, all eyes on me. T'es jaloux à mort, rien à foutre en vie. Sur le vieux Porsche, smoke ma weed. Tu connais la suite, où tu veux on part. Puis on prend la fuite, l'or et Delmar. Miami au Rio, pété danse le Mia. Carignan amore mio, j'suis pété j'danse le Mia. Assis au bord de la fenêtre du monde, j'observe, j'écoute le bruit du silence. Avec 10 grammes de bougita, vue panoramique sur la Médina. Loin des contraintes du quotidien, du côté sombre que le cartel ne te montre pas. Âme exposée aux 80, cadavre sur le goudron gisant. Contrat exécuté en 4 temps, en contre-temps, perdonnant. On va tous monter au ciel.